cet hiver, les enjeux seront plus élevés que jamais. Les plus grands athlètes du monde, l'honneur du pays, le passage du flambeau. Oh, oh, on se calme avec le drame olympique. Olympique? Je pensais qu'on faisait un remake du film sur Terry Fox. Non, non, c'est juste le passage du flambeau de co-animateur. On va se partager l'animation d'assemblage requis, toi et moi, avec Mathieu. Une chance que tu me dis ça, là. J'étais à ça de me couper la jambe pour faire plus réaliste. Cet hiver, Jean-Philippe Charbonneau et Stéphanie Paradis se partagent le studio avec Mathieu Plante. Écoutez-les à Assemblage requis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, toujours en direct à partir de 7h30.